السلام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد. Donc simplement c'est un petit rappel pour la Zakat al-Fitr. Comme on arrive à la fin du mois de Ramadan, donc Zakat al-Fitr c'est très important et c'est une chose qu'il faut rappeler tous les ans. Et comme nous le dit Allah Azzawajal dans le sens approximatif de ses paroles, il rappelle car le rappelle prophète aux croyants. Donc même si c'est une chose que beaucoup d'entre vous sait, c'est important de le rappeler. Le fait que Zakat al-Fitr c'est une aumône qui a été légiférée par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa sunna à la fin du mois de Ramadan. C'est pour ça qu'elle a été appelée al-Fitr, de l'iftar. C'est ce qu'on appelle dans la langue arabe ism masdar, du verbe aftara. Et bien al-Fitr, il a été cette zakat al-Fitr, elle a été légiférée à la fin du mois de Ramadan car c'est le moment où les musulmans rompent leur jeûne. Cette zakat, il y a des choses, des règles qu'il incombe de savoir à tout musulman. Car cette zakat, elle est obligatoire pour l'ensemble des musulmans. Pour le petit comme le grand. Pour celui qui est libre comme pour celui qui est esclave, comme il est venu dans le hadith. Pour les hommes comme pour les femmes. Comme nous le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, qui est rapporté par Ibn Umar, radiallahu anhuma, dans les deux recueils authentiques de hadith qui sont Bukhari et Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ou plutôt Abdullah ibn Umar nous dit, radiallahu anhuma, farada Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sadaqat al-fitri sa'an min tamr ou sa'an min al-tamri ou sa'an min al-shi'iri ala الذكر والأنثى والحر والعبد والكبير والصغير من المسلمين. Et c'est-à-dire dans le sens approximatif de ces paroles que le prophète sallam a légiféré. Abdullah ibn Omar nous rapporte que le prophète sallam a légiféré pour les musulmans, qu'ils soient hommes ou femmes, petits ou grands, esclaves ou libres. صدقات الفطر. Et il nous dit le prophète صلى الله عليه وسلم صاعا من التمر أو صاعا من الشعير. Il est venu dans d'autres hadiths où le prophète صلى الله عليه وسلم nous a dit ou nous a informé d'autres nourritures qui peuvent être sorties au moment de zakat al-fitr. Ici dans ce hadith il a rappelé les dates, il a rappelé aussi l'orge. Donc il convient de connaître certaines règles. Ces règles sont les conditions qui doivent être réunis dans la personne pour que Zakat al-Fitr soit obligatoire pour lui. Le fait qu'il soit musulman, premièrement. La deuxième condition, le fait qu'il ait une richesse qui lui permette de subvenir à ses besoins et aux besoins de sa famille, ses besoins de base, le jour de l'Eid et la nuit de l'Eid. Si une personne a cela, eh bien, il lui est obligatoire de sortir Zakat al-Fitr. Zakat al-Fitr, à qui elle incombe? Comme il est venu ici dans ce hadith, elle incombe à tous les musulmans. Pour l'homme comme pour la femme. Pour le petit comme pour le grand. Pour celui qui est esclave comme pour celui qui est libre. Donc à partir de là, celui qui s'occupe de sortir, c'est-à-dire celui qui s'occupe de subvenir aux besoins de sa famille, de ses enfants, eh bien il doit sortir à ce moment-là la zakat pour ses enfants. C'est-à-dire que si tu as un enfant qui a un an, six mois, etc., tu as un enfant, qu'il soit petit ou qu'il soit grand, si c'est toi qui t'occupes de ses besoins, eh bien tu dois ne pas l'oublier, car la zakat al-fitr est obligatoire pour lui. Et du fait que c'est toi qui subviens ses besoins, il t'est impératif de sortir cette zakat pour lui. Le temps de la zakat al-fitr. Quand ce temps, ça c'est la troisième condition, c'est-à-dire le fait de sortir zakat al-fitr en son temps qui lui est apparti, ce temps qui lui est légiféré. Quel est ce temps-là? Ce temps-là, il y a deux sortes de temps, le temps de l'autorisation et le temps du meilleur. Le meilleur temps pour la sortir. Le meilleur temps, c'est le matin du jour de l'Eid, le matin entre Al-Fajr et la prière de l'Eid. Car une zakat fitr qui sera sortie après la prière de l'Eid, ce ne sera pas estimé auprès d'Allah Azzawajal, ce ne sera pas considéré auprès d'Allah Azzawajal comme un zakat fitr ou comme une zakat fitr, mais plutôt ce sera une sadaqa, mais une sadaqa comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est le meilleur temps, après la prière de l'Fajr jusque à la prière de l'Eid. Et le temps de l'autorisation de sortir zakat al-fitr, c'est un jour ou deux jours avant le jour de l'Eid, comme il est venu de Sahaba, radhiyallahu alayhim ajma'in, le fait de sortir zakat al-fitr un ou deux jours avant le jour de l'Eid. Maintenant, une chose qui est très importante, ça ce sont des règles générales à savoir autour de zakat al-fitr, une chose qui est très importante, quelle est la nature de cette zakat, comment doit-elle être sortie? Beaucoup de gens ici en France, et malheureusement dans certains pays musulmans, ils appellent, parmi les imams des mosquées, etc., ils appellent à sortir zakat al-fitr en argent. Ça, c'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur car celui qui sort zakat al-fitr en argent, eh bien, celle-ci ne sera pas acceptée auprès d'Allah, tabaraka wa ta'ala, qawlan wahidan. Il y a une seule parole. Ça, c'est l'avis des trois grands imams qui sont l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmed, rahimahumullah. L'imam Malik, comme dans Al-Mudawwana, Al-Kubra, où il dit que من أخرج زكاة الفطر مالا لا تجزيه عنه. Ça c'est pas possible que cette zakat soit acceptée. Celui qui sort, comme dit l'imam Malik rahimahullah, c'est cette zakat, lorsqu'elle sera sortie en argent, elle ne se verra pas acceptée auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Parce que c'est une adoration. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a légiféré cette adoration et nous a donné des textes et nous a ordonné de sortir zakat al-fitr en nourriture. Et il nous a même dit quelles sont les nourritures qu'il faut sortir. Il nous a dit tamar, il nous a dit l'ourz, le riz, il nous a dit etc. À partir de là, il ne te convient pas à toi de venir en 1436 de l'Hégire, en 2015, et de dire que cette adoration, tu vas la changer et tu vas sortir zakat al-fitr d'une manière que as-sahaba et n'ont pas sorti, et ceux qui les ont suivis dans le bien, sachant que cet argent que vous avez aujourd'hui, il était présent à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et plutôt Allah Azza wa Jalla nous a légiféré pour nous zakat al-mal, une aumône sur notre argent. Celle-ci sera sortie en argent, mais zakat al-fitr, celle-ci, elle nous a été légiférée en nourriture. En nourriture, ça c'est la législation de votre prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est très important de respecter cela. On va finir après la prière. Wa ila huna wa billahi tawfiq wa sallallahu alayhi wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أما بعد. Donc simplement pour finir cette parole par rapport à zakat al-fitr, donc vraiment c'est quelque chose de très important. Le fait que cette zakat a été légiférée pour nous en nourriture. Elle a été légiférée pour nous en nourriture. Et ceci est une adoration. Et les adorations sont tawqifiyya. C'est-à-dire que c'est un arrêté. C'est un arrêté où il ne convient pas à une personne de ramener des avis dans ces dernières. Et Allah Azza wa Jalla a légiféré pour nous une aumône sur nos biens. Et cette aumône se verra sortie par le musulman en argent. Et une aumône pour la fin de notre jeûne. Et cette aumône, elle a été légiférée en nourriture. Donc il ne convient pas aux musulmans de le sortir en argent. Et plutôt celle-ci ne sera pas acceptée auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala si elle est sortie en argent. Pourquoi zakat al-fitr? Zakat al-fitr a été légiféré. Quel est son but? Al-fitr a été légiféré pour purifier le jeûneur des imperfections de son jeûne et afin de nourrir les pauvres, comme il est venu dans le prophète, dans le hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans ce sens. Quelle est la niya que tu dois mettre, cette niya que tu dois mettre au moment de sortir cette zakat al-fitr? Quelle est la niya que tu dois mettre? Al-Shaykh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala dit que tu dois mettre trois intentions à ce moment-là. L'intention de te rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala par cette adoration, le fait de sortir zakat al-fitr, La deuxième intention, comme il est venu dans ce hadith, le but de cela, le fait d'atteindre le but de cette zakat, comme il est venu dans ce hadith que nous venons de citer, le fait de purifier son jeûne des imperfections. Et la troisième intention, le fait d'aider tes frères parmi les musulmans qui sont dans le besoin. Maintenant, il y a une chose importante, c'est que la plupart des gens, lorsqu'ils sortent, lorsque Allah Azza wa Jalla les a guidés sur le bien à sortir cette zakat en nourriture, ils le sortent en kilogrammes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a légiféré pour nous une mesure. C'est as-sa'. Et as-sa', c'est ce qui représente arba'atu amdad, 4 mud. Et le mud, c'est une unité de mesure, à l'inverse de l'ouazn, qui est une unité de pesée. C'est-à-dire al-kayl, as-sa' ou al-mud, c'est une unité de quantité. C'est une manière de quantifier la nourriture. Et l'ouazn, le kilogramme, le gramme, etc., ça c'est une unité de pesée. Et du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a légiféré pour nous le fait de sortir zakat al-fitr avec cette unité de mesure de capacité, ça, eh bien, ce n'est pas une obligation de le sortir comme cela, en sort, c'est-à-dire avec cette quantité, mais de sortir, en tout cas si vous le sortez en kilogrammes, ce qui équivaut à cette quantité. Quelle est cette quantité as-sa'? C'est 4 mout. Qu'est-ce que le mout? Le mout, comme ils disent les savants, c'est 1000 ou. Kaffayi rajulin wasat. C'est-à-dire ce qui remplit les deux mains réunies d'un homme de taille moyenne. Ça, c'est le mout. Ce que tu dois sortir pour zakat al-fitr, c'est 4 fois cette chose-là. Si tu veux le sortir d'après la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu vas dans une épicerie par exemple et tu le sors de cette manière en prenant 4 fois ce qui réunit tes deux mains si tu es une personne de taille moyenne. Ni trop petit, ni trop. C'est-à-dire que tu n'es pas grand ou petit, tu es une personne moyenne, quand on dit de toi une personne moyenne. Ensuite, si toi tu le sors en poids, eh bien il faudra que tu sortes l'équivalent de cela en poids. L'équivalent de cela en poids, nous voyons que certains parmi nos savants l'ont mesuré ou l'ont pesé cette quantité. Sachez que cette chose, cette unité qui est as-sa', le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de le sortir d'après as-sa' des gens de Médine. Comme il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith qui est rapporté par Abu Daoud, l'imam al-Nasa'i et autres que eux, rahimahumullah, il dit al-kaylu ala mikyali ahli al-Médine wa al-waznu ala wazni ahli Mecca. C'est-à-dire al-kayl, cette unité de quantification qui est al-kayl, c'est-à-dire al-sa' ou al-mut, c'est selon la méthode qu'ils avaient les gens de Médine de mesurer, de quantifier la nourriture. Et al-wazn, c'est-à-dire le poids, selon celle des gens de Mecca. Sachez qu'il y a une chose, c'est ce qu'on appelle al-mut al-nabawi. Al-mut al-nabawi, c'est cette chose-là. Al-mut al-nabawi, qu'est-ce que c'est? C'est l'équivalent des deux mains réunies de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, comme nous avons dit, pour zakat al-fitr, il est obligatoire de sortir un sa'. Le sa', qu'est-ce que c'est? C'est 4 fois al-mut. Al-mut, qu'est-ce que c'est? C'est l'équivalent des deux mains réunies d'une personne de taille moyenne. Comme cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il a légiféré cela, lui, il le sortait de cette manière, en prenant 4 fois l'équivalent de ces deux mains réunies. Et les gens de science, depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à notre prophète, ils ne cessent d'hériter cette chaîne de transmission. Cette chaîne de transmission dans sur le Coran, sur les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc c'est-à-dire la chaîne de transmission de qui ce tel savant a pris tel hadith, de qui il a pris le Coran, et de qui il a pris celui dont il a pris le Coran, jusqu'à remonter au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a aussi une chaîne de transmission que les savants ne cessent de se donner depuis l'époque de Sahaba jusqu'à nos jours de maintenant, c'est la chaîne de transmission sur al-mut al-nabawi, c'est-à-dire l'équivalent des deux mains réunies du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci, c'est une chose que moi j'ai été autorisé par certains des machaires de qui j'ai pris la science. Et cette chose-là, elle est prise généralement d'un grand savant qui se trouve à Mecca qui s'appelle Cheikh Yahya al-Mudarris, Cheikh Yahya, Azim Abadi, Al-Mudarris. Il est professeur dans la mosquée sacrée de la Mecque. Hafidahullah Ta'ala, et c'est lui qui a la chaîne de transmission vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est lui qui donne cette permission de rapporter cela. Si tu vas à Mecca au moment de sortir Zakat al-Fitr, ce n'est pas n'importe comment tu achètes comme tu veux, non. Tu vas voir dans certains endroits, certains bureaux où tu prends Zakat al-Fitr, tu vas voir les gens, eux ils ont cette chaîne de transmission, ils ont la même chose que cela. C'est-à-dire, le Moud al-Nabawi, c'est pas exactement cette chose en fer, mais le Moud al-Nabawi, c'est l'équivalent de ce qui se trouve dedans, c'est l'équivalent des deux mains réunies du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc cette chose-là équivaut à l'équivalent de, des deux mains réunies du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu vas à Mecca, tu trouves des gens qui te donnent mon Zakat al-Fitr avec cette chose-là. Et tu lui demandes, je veux Zakat al-Fitr pour une personne, il va te sortir quatre fois l'équivalent de cela dans la denrée que tu recherches. Donc à partir de cela, il faut savoir, toi qui es en France, toi qui peut-être ne va pas sortir ni avec cette manière, et comme je l'ai dit, ce n'est pas une obligation d'avoir cette chaîne de transmission, mais la chaîne de transmission, comme nous le dit Shira Bayt, Hafidahullah Ta'ala, c'est une chose par laquelle les gens de science, que laquelle les gens de science utilisent depuis de nombreuses années, le fait de sortir d'après Al-Mut, qui est rapporté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est une bonne chose de le sortir comme ça, tu ressortis de la même manière que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait de sortir Zakat al-Fitr. Mais toi, tu peux le sortir d'une autre manière si tu le sors d'après cette capacité, c'est-à-dire ça, ou le mout, c'est-à-dire quatre fois l'équivalent des deux mains d'une personne moyenne réunie. Tu peux le sortir de cette manière-là. Et si toi, tu ne sais pas comment faire ceci ou cela, ou peut-être c'est difficile pour toi, ou etc., eh bien, tu le sors en kilos. Mais les kilos, comme je viens de vous montrer, il faut que ce soit équivalent à l'équivalent de 4 fois cette chose-là. C'est pour cela que certains de nos savants ont pesé l'équivalent de un sa en kilogrammes, c'est-à-dire l'équivalent de 4 mots, 4 fois ce qui est réuni dans cela. Il ressort que l'assemblée de ce qu'on appelle la Lajnatul Da'ima l'Ittifa' et l'Buhud l'Ilmiya, c'est-à-dire cette assemblée pour la fatwa et pour les recherches islamiques, eh bien, ils ont à leur tête à cette époque le Cheikh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah ta'ala, ils ont décrété que la Zakat al-Fitr en kilos, ce serait 3 kilos, c'est-à-dire le riz, ils ont pris comme base le riz serait 3 kilos, ce serait 3 kilos ou un petit peu moins, mais à partir de là tu sors 3 kilos, et ce qui dépasse de cela, ce qu'il y a en plus dans ces 3 kilos, et bien tu mets une intention de faire une aumône. Ça c'est la parole de Al-Lajnatul Da'ima, c'est aussi la parole de Cheikh ou l'Allama Al-Luhaydan, Salih Al-Luhaydan, Habidahullah Ta'ala. Comme cela, notre cher Cheikh Mohamed Ibn Had al-Madkhali, Abu Anas, il dit que tu sors 2,5 kg, 2,5 kg ou 2,7 kg ou 3 kg. Et ce qui dépasse, eh bien, tu feras une, ce sera une, avec une attention d'aumône. Il y a aussi notre cher Cheikh Abu Ahmed al-Misrati, al-Libi, Habibahullah Ta'ala, qui a fait là-bas en Libye. La peser avec ce même mout, c'est-à-dire que lui il a la même chaîne de transmission que moi, celle qui vient de Cheikh Yahya al-Mudarris de Mecca, et avec cela il a trouvé, bien sûr, lui il a fait cela par rapport aux denrées qui sont utilisées généralement en Libye, donc avec beaucoup de riz, avec de la semoule, avec un petit peu aussi des pâtes, etc. Et lui il a trouvé déjà, il y a une chose très importante à mettre en avant, c'est que le riz n'a pas toujours le même poids. Il y a le riz qui est cassé une fois, le riz long grain, le riz basmati, le riz américain, le riz de... Donc il y a plusieurs sortes de riz. Et comme cette chose-là, qu'il nous est impératif de sortir donc en quantité et non en poids, parce que le professeur Samalaji fait répondre cette requête en quantité à la base, eh bien, la quantité, en fonction de la chose que tu vas mettre dedans, que tu vas sortir en quantité, eh bien, elle aura un poids différent. C'est-à-dire que cette quantité, l'équivalent des deux mains réunies d'une personne de taille moyenne, si tu sors ta zakat en date, eh bien, elle n'aura pas le même poids que si tu la sors en riz ou si tu la sors en lentilles. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut faire attention. C'est-à-dire quand tu vas sortir la zakat en certains riz, ça n'aura pas le même poids que d'autres riz. C'est pour ça qu'à partir de là, on voit cette hikma, cette sagesse de l'Ajnatu Da'ima de dire, et d'autres savants parmi eux, Cheikh Al-Allam, ce grand savant qui est Salih Al-Haydan, et autres que de dire 3 kilos. Et ce qui dépasse, eh bien, tu donneras avec une niya de sadaqa, d'aumône, car certains riz n'ont pas la même poids que d'autres. C'est-à-dire le riz qui est concassé une fois n'est pas pareil que celui qui est concassé deux fois, que le basmati, etc. Donc à partir de là, c'est difficile de dire un poids précis. C'est pour cela qu'ils ont dit que c'est 3 kilos. Ce cheikh Abou Ahmed, il a fait l'essai avec plusieurs riz. Il a trouvé certains 2,7 kg, certains 2,8 kg, certains 2,9 kg, certains 3 kg. Donc ça tourne vraiment autour des 3 kg. Notre cheikh Khalid Abou Abdelah, il a aussi avec la même chaîne de transmission, il a fait aussi les essais, il a trouvé environ 3 kg. Nous aussi, on a fait l'essai avec cela, on a trouvé 3 kg. Donc à partir de là, ces choses se réunissent pour, par exemple, le riz. C'est 3 kilos. Et si toi tu veux le sortir de la manière qu'avait As-Sahaba de le sortir, c'est-à-dire le fait de sortir avec 4 fois, 4 mouts, c'est-à-dire un sa, c'est-à-dire 4 fois, l'équivalent de deux mains réunies d'une personne de taille moyenne. Il y a un dernier point que je tenais à souligner, ça c'est très très important, attention, parce que vous, si vous le sortez en poids, comme je viens de vous dire, ce qui a été légiféré, c'est de le sortir en keil, c'est-à-dire cette mesure de quantification des aliments. Donc le poids, ce n'est pas en fait vous le sortez en poids qui équivaut à cette mesure de quantification. Si vous avez bien compris, donc ça c'est très très important, c'est un poids qui est très très important, car si tu sors moins que ce qui convient, eh bien tu n'as pas sorti Zakat al-Fitr. Donc ça c'est quelque chose de très très important. Et il y a un dernier point qui est important à souligner, c'est par rapport à la farine. Donc la farine, ce qu'on appelle farina, ou plutôt al-dakhir, c'est-à-dire ils font la différence entre farina et al-dakhir, c'est-à-dire que al-dakhir, elle vient de al-qamh, c'est-à-dire le blé, et al-farina de l'orge, ou inversement. Donc il y a un point très très important à souligner que beaucoup de gens ne connaissent pas, même parmi les étudiants en sciences, il y a le fait que la farine, cette chose-là, ce n'est pas une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a légiféré. Donc à partir de là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a légiféré l'orge ou le blé. Quand toi tu sors la farine c'est une chose qui découle de l'orge et du blé, donc il n'y a pas de mal à en sortir la farine. Simplement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a légiféré un sa', c'est-à-dire quatre fois cela, d'orge ou de blé. Lorsque tu vas sortir cette farine, sache que la farine est plus... est moins lourde, donc est plus légère que cette orge ou ce blé. Du fait que quand elle est moulue, ces graines d'orge ou de blé, lorsqu'elles sont moulues, il en découle, il en résulte la farine. Et tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire la graine, l'écorce de la graine, cette chose-ci est jetée. Donc à partir de là, la farine est plus légère. Donc, toi, lorsque tu sors la farine, tu dois la sortir par rapport à la quantification de blé. Par rapport à la quantification de blé, c'est-à-dire que le blé, un sa de blé, ça pèse tel kilo, et bien à partir de là, toi tu ne vas pas sortir 1 kilo, par exemple, si ce sera 2 kilos ou 3 kilos, et bien toi ça ne sera pas 3 kilos qui va être sorti. Mais ce sera plus que cela, car la farine est plus légère, mais elle est plus compacte. Donc elle prend aussi moins de place que le blé, donc à partir de là, il te faudra sortir un peu plus, et les savants disent un peu plus que le poids du blé. Lorsque tu sors en farine, il faudra sortir un peu plus que le poids du blé. Donc ça, c'est très important lorsque tu sors la farine, de sortir un peu plus que le poids d'un sa' de blé ou d'orge. Barakallahu fikoum wa ila huna wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wa alhamdulillahi rabbil alamin. C'est juste un petit rappel.